Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et peut-être vous souvenez-vous que la semaine dernière, nous avons parlé avec Geneviève Ouellette Saint-Hilaire de pêche. Elle nous disait que le niveau des ressources marines est actuellement alarmant. Les stocks diminuent entre autres parce qu'ils sont surexploités. Ils sont surexploités pour répondre à la demande mondiale qui ne cesse de croître. Dans le milieu des années 1980, l'aquaculture est apparue comme une solution de rechange à la surpêche. Toutefois, les méthodes de production se sont intensifiées, ce qui a engendré et engendre encore aujourd'hui d'importantes répercussions négatives sur l'environnement. Alors ce soir, nous retrouvons Geneviève Ouellette Saint-Hilaire pour parler des problématiques de l'aquaculture, voir si l'aquaculture, c'est possible. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Valérie. Alors peut-être, Geneviève, peux-tu rappeler que l'aquaculture, ça date pas d'hier finalement. Elle se pratique depuis des milliers d'années. Et pourquoi a-t-elle fait autant jaser ces dernières années? Oui, tu as bien raison Valérie. L'aquaculture existe depuis près de 4000 ans déjà. Et le problème, c'est que depuis le milieu des années 1980, le nombre de fermes d'élevage a explosé, particulièrement pour répondre à la demande de plus en plus élevée des consommateurs envers certains produits de luxe, comme le saumon ou la crevette. Mm-hmm. Et donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, avance que c'est probablement la filière de production alimentaire qui connaît la plus grande croissance, la plus rapide en fait. Et elle estime en fait que l'aquaculture produit actuellement, de nos jours, près de 50% des poissons qui sont destinés à la consommation humaine dans le monde. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est pas négligeable, 50%. C'est la moitié, en fait. Et vous comprendrez qu'une croissance aussi rapide, ça vient avec un lot de problématiques, là, et particulièrement la destruction des écosystèmes. Mm-hmm. Et ce sont les écosystèmes côtiers, donc plus particulièrement les mangroves, qui sont détruits au profit surtout des élevages intensifs de crevettes tropicales. Et les mangroves, si vous ne le saviez pas, en fait, sont très importantes. Elles abritent de nombreuses espèces marines et terrestres. Donc, c'est un important lieu d'approvisionnement là, pour les communautés côtières de ces régions. Et les mangroves offrent également une protection naturelle contre les tempêtes. Donc, la destruction des mangroves n'est donc pas sans conséquence, là, que ce soit au niveau de la faune, de la protection ou de la subsistance là, pour les communautés. Mm-hmm. Et ce serait particulièrement les élevages intensifs d'aquaculture qui seraient particulièrement pointés du doigt. Alors justement, en fait, un élevage intensif en aquaculture, ça se caractérise comment, Geneviève? Oui, en fait, un élevage intensif, c'est en fait l'utilisation de surfaces qui sont réduites, mais densément peuplées. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde dans peu d'espace. Donc, c'est comme l'agriculture intensive. Là. On exactement. En fait beaucoup dans pas beaucoup d'espace. Oui, exactement. C'est le même principe. Donc, le rendement, là, vous comprenez qu'il est alors très, très, très élevé. Et dans le contexte de l'aquaculture, ben, l'élevage intensif de saumon, par exemple, va rejeter d'énormes quantités de déchets dans l'eau. Mm-hmm. Donc, autant sous forme d'aliments qui sont non consommés, des déjections ou des poissons morts, finalement. Et donc, ce que ça influence, finalement, la qualité de l'eau. Et finalement, ça accentue finalement la croissance des algues. Donc, tout ça, ça peut contribuer finalement à la mort de certains animaux marins et l'intoxication par les mollusques chez les êtres humains. Mm-hmm. Et évidemment, dans des cas extrêmes, la quantité de déchets est tellement importante qu'elle abaisse le niveau d'oxygène et cause ainsi là, la suffocation des poissons, autant ceux d'élevage que sauvages. Oui, c'est à ce point-là. Mm-hmm. Et donc, dans les élevages intensifs, également, la problématique, c'est que la densité est élevée, poisson. Donc, cette densité-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va favoriser le développement de maladies et une concentration plus élevée là, de parasites. Et donc, par exemple, dans les fermes d'élevage là, intensif de saumon, le problème, c'est le pou de mer qui est très, très abondant. Le pou de mer, en fait, c'est quoi? C'est un parasite qui vit à l'état naturel dans les océans et qui s'attaque aux jeunes saumons qui ont encore la peau très, très mince. Mm-hmm. Et donc, les jeunes saumons peuvent même en mourir. Et pour contrer ce problème-là, qui est assez présent, les aquaculteurs vont faire l'usage là, d'antibiotiques pour que les poissons soient résistants à certaines maladies et des pesticides, évidemment, pour tuer le tout. C'est drôle qu'on retrouve tous les parallèles avec l'agriculture. Absolument. Monoculture oui. Et finalement, insectes indésirables. Et puis, on contre ça par des pesticides. C'est pareil. Oui, mais évidemment, là, au lieu d'être sur la terre ferme en particulier, ben là, ce mélange de produits chimiques-là va se retrouver inévitablement dans l'eau et ça va la contaminer. Et donc, il y a aussi la problématique aussi qu'il y a certains saumons qui sont contaminés par les poux de mer qui vont finalement s'échapper accidentellement des fermes d'élevage. Et mais ça, c'est sûr que ça peut infecter les autres populations sauvages de saumons qui sont près des fermes d'aquaculture. Et c'est pas n'importe quelle sorte de saumon. En fait, ça serait les plus jeunes saumons qui sont plus vulnérables et qui meurent, qui pourraient mourir là, d'une infection au poumon de mer. Et c'est d'ailleurs, ce sont des résultats là, auxquels arrivent des chercheurs canadiens qui ont pu étudier le phénomène en Colombie-Britannique mm-hmm. il y a quelques années. Et leur étude a été publiée en 2007 dans le magazine Science. Et est-ce que, d'après ces études-là, ou d'autres peut-être, est-ce qu'on sait de quelle manière ces fuites accidentelles, donc de saumon vers l'état sauvage, elles ont un impact sur les populations de poissons sauvages? Oui, en fait, c'est sûr et certain que les fuites accidentelles vont créer en quelque sorte une pression supplémentaire là, sur les populations de poissons sauvages. Donc, selon Pêche et Océans Canada, les conséquences sont à peu près de l'ordre de 5. Donc, il y aurait 5 conséquences là, que, de la fuite accidentelle de ces poissons-là. Donc, la première conséquence, c'est la naturalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment l'établissement de populations reproductrices non indigènes. Donc, vraiment les poissons d'élevage qui vont prendre finalement la place là, des autres poissons. La deuxième conséquence d'une fuite accidentelle de poissons est l'augmentation de la concurrence. Donc, surtout dans le contexte que l'habitat et les ressources alimentaires sont, sont restreintes. La troisième conséquence pourrait être aussi la prédation. Donc, vraiment, les saumons d'élevage contre les saumons sauvages, par exemple. Et la quatrième conséquence, ce serait l'hybridation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par hybridation? C'est vraiment le croisement entre les espèces d'élevage et sauvages qui pourrait conduire à une cinquième conséquence, donc ce qu'on parle l'intrusion génétique. Donc, une transformation du pool génétique des populations sauvages. Oui. C'est ça. Donc, la fuite accidentelle de poissons sauvages, de poissons d'élevage vers le milieu naturel est donc pas sans conséquence sur les populations sauvages. Mais il y a un autre point à aborder aussi, c'est que le saumon est carnivore et qu'il faut le nourrir de poissons. Alors, est-ce que l'élevage de poissons carnivores est une solution à la surpêche dans ce contexte-là? Ben, en fait, ça peut être une solution à la surpêche, mais c'est problématique quand même. Donc, c'est une problématique en soi. Il faut savoir que dans le milieu des années 1980, l'aquaculture a été mise à l'avant-plan comme une solution à la surpêche, mais en fait, l'aquaculture, vraiment, devait diminuer la pression sur les stocks sauvages. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas diminué cette pression-là, mais elle l'a plutôt augmentée. Donc, vous allez me dire, mais comment ça? Qu'est-ce qui fait que ça l'a augmenté comme ça? Mais c'est ça, en fait, c'est que pour engraisser les poissons carnivores, ben, comme le saumon, par exemple, il faut beaucoup de nourriture. Donc, un saumon, ça mange beaucoup. Et la moulée qui est donnée aux poissons est faite la plupart du temps à partir de farine ou d'huile de poisson fourrage. Donc, le poisson fourrage, c'est un grand mot pour dire, c'est le nom vraiment donné aux petits poissons qui servent de nourriture là, aux poissons carnivores. Donc, c'est le cas des sardines, des anchois ou le hareng. Et commercialement, c'est intéressant parce que le poisson d'élevage est beaucoup plus cher que tous les poissons qui ont servi à le nourrir. Mais en fin de compte, il faut beaucoup plus de kilos de poissons pour nourrir le poisson d'élevage. Quand on considère le prélèvement qu'on fait dans le stock de poissons, c'est pas très avantageux. Oui, et c'est intéressant. Il y a une étude donc de Naylor et un collaborateur dans leur article qui ont été publiés en 2000 dans la revue Nature. Eux, ils estimaient que pour produire un kilo de saumon d'élevage, il en fallait plus de 3 kilos de poissons sauvages. Donc, vous allez me dire du simple au triple. Effectivement. C'est quand même considérable. Et l'élevage de poissons carnivores, finalement, c'est pas productif. Tu nous as présenté plusieurs répercussions de l'aquaculture conventionnelle sur l'environnement. Est-ce qu'il y a une meilleure alternative? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture durable. Comment on fait ça, l'aquaculture durable? Dans un premier temps, qu'est-ce que ça pourrait permettre? En fait, c'est que ça permet de faire l'élevage de poissons et de fruits de mer, mais de manière à maintenir ou à accroître la production là, à long terme, mais sans mettre en péril la santé et ou la fonction de la vie marine des océans. Donc, la plupart du temps, l'aquaculture durable, c'est une production en système fermé. Système fermé qui veut dire que l'élevage des poissons se fait dans un système de confinement et qui forme en fait une barrière là, avec l'environnement naturel. Donc, si je peux vous imaginer ça un petit peu, c'est le système de production va être plutôt sur la terre que dans l'eau. À l'écart là, de l'environnement naturel. D'accord. Et quels sont alors les avantages de faire de l'aquaculture durable en système fermé? Bon, on imagine qu'il n'y a pas de fuite dans le milieu naturel, dans l'océan, justement. Oui, exactement. C'est le principal avantage. En fait, il n'y a pas de risque que des poissons s'échappent. Et donc, s'il n'y a pas de risque que des poissons s'échappent, il n'y a pas de risque non plus qu'il y ait de transmission de maladies, de parasites et évidemment, de croisement. Donc, c'est la principale, le principal avantage. Et l'aquaculture aussi va également utiliser des méthodes qui vont permettre le traitement et la réduction des déchets. Et donc, c'est sûr, évidemment, ça fait des déchets, tout ça, mais c'est le tout va être filtré et rejeté dans l'écosystème, mais ça n'altérera pas l'écosystème en soi. Et aussi, l'aquaculture, ce qu'on dit beaucoup, c'est que ça utilise moins de poissons sauvages et on recourt davantage à des moulées qui sont un peu plus végétales dans la mesure du possible. Bien, merci Geneviève. Puis on voit que l'aquaculture que l'on pensait être une alternative à la surpêche, ben, elle n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Puis heureusement, ben, il y a des pistes d'amélioration avec l'aquaculture durable. Donc, merci Geneviève. Merci Valérie. On part maintenant en pause publicitaire et au retour, on vous parle de comportement paternel chez les animaux.